disons merci. Papa, ce soir. Nasema, accente, Dieu. Merci pour ta présence. Accente, quoi, pour quoi. C'est toi qui nous as appelés. Benjo Wita. Bien-aimé, Dieu a une raison pour laquelle il t'a appelé. Pendwa Mungu ana sababu yenye alikuitia. Dieu a vraiment une raison. Mungu anakuwa na sababu. Le jour où tu découvres la raison pour laquelle Dieu t'a appelé, devient une autre personne. Tu le sers différemment. Parfois, nous entrons dans la présence de Dieu. Nous voulons nous écouter nous-mêmes. Mais Dieu a une raison pour laquelle il nous a appelés. Kini Mungu anakuwa na sababu yenye alituitia. Pourquoi il t'a appelé en cellule? Sababu gani alikuita panafazi? Pourquoi il t'a encore gardé en vie jusqu'au jour? Gani anakuchunga na kuachia uzima mpaka leo? Tu n'étais peut-être pas un lion, les lions sont morts, mais Dieu t'a gardé. Akukua simba lakini Mungu anakuchunga. La vie chrétienne doit être une vie profonde. Chaque Christ n'a pas sa comme ça yoketo. Doit être une vie profonde. Pas sa comme ça yoketo. Pourquoi? Sababu gani? Dieu, Mungu t'a gardé, t'a appelé. Likuchunga na ni mwenye alikuita. Oh, il est merveilleux. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai appelé. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu tu nous a appelés? Pourquoi tu nous as appelés? Révèle à ton peuple, révèle à chacun de nous. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Nous te bénissons ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour ici? Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, c'était un vendredi de prière. Un de baromètre. De baromètre dans la vie chrétienne. Ou de thermomètre, si vous voulez. C'est ton amour envers la prière, ton amour envers l'Église. Toi-même, quand tu sens que ça commence à diminuer, rentre auprès de Dieu. Rentre auprès de Dieu. La victoire par la trompette, la cruche et la torche. Et le flambeau.

pour sonner et ils s'écrièrent. Kwa ajili ya kupiga yolo matarumbeta na kulalamika. Et paix pour l'Éternel. Kwa kusema tena amani kwa ajili ya milele. Et pour Gédéon. Na kwa ajili tena ya Gideoni. Ils restèrent chacun à sa place autour du camp. Kila mmoja akabaki ngambo yake ndani ya kambi. Et tout le camp se mit à courir. Kambi nzima ika à pousser des cris. À pousser des cris. Et à prendre la fuite. Tena makimbi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Se positionner pour le miracle. Kujipanga kwa ajili ya miujiza. Dans la vie, ndani ya maisha, il faut savoir se positionner. Si tu veux voir le miracle de Dieu. Tout le monde souhaite un miracle. Mais souvent, on n'occupe pas de bonnes positions pour voir le miracle. Jacob est derrière la maison avec sa mère. À une position du miracle. Esaü, malgré la promesse, malgré le désir de son père, les hommes peuvent avoir des désirs de te bénir. Parce qu'ils trouvent que tu as le profil. Le profil. Ali. Ok, non, c'est bien, Albert s'améliore, ne vous en faites pas. De plus en plus, c'est bon de travailler avec lui. Donc, tu peux avoir le profil de celui qui doit être béni, mais tu n'es pas bien positionné. Science compliquée. Non, bien, mais c'est biblique. Esaü, il est vigoureux. Il a une bonne peau. Mais le jour de la bénédiction, il n'était pas à la bonne position. Je prie ce jour-là. Il est sick. Quand la trompette sonne, la trompette, on a dit, ça fixe le temps. Son père lui dit, sonne. La trompette, on a dit, ça fixe le temps. Son père lui dit, c'est la peau d'Esaü. Il sent l'odeur. On ne va pas y revenir, ce n'est pas le message d'aujourd'hui. Ce n'est pas le message d'aujourd'hui. Pour être béni aujourd'hui. Pour être béni. Et aussi. Mais la voix. C'est Jacob. Alors, il devait choisir. Il a ignoré la voix. Il a choisi les autres choses. Et il a béni Jacob. La voix. Dieu sent l'odeur de Christ. Dieu touche Jésus-Christ. Il dit, malgré la voix, je te bénis. Parce que c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Se positionner. Se positionner. Après la guerre. On n'en parlera pas peut-être aujourd'hui. Mais après la guerre. Il y a des choses à faire. Je l'ai dit dans une église, j'ai prêché, même ici je l'ai dit. Que la victoire. C'est un mauvais professeur. La victoire nous amène ces problèmes. On en parlera. Mais avant la guerre, Madian attaque Israël. Donc il attaque une famille. Il attaque une église. Il attaque tout un peuple. Mais Dieu, au lieu de laisser 32 000 personnes, le grand nombre, pour combattre, Dieu prend 300. Un centième. Dans la vie, malgré les problèmes dans votre famille, malgré les problèmes dans ce pays, malgré les problèmes dans l'église, ce n'est pas tout le monde qui est prêt pour le combat. Et ce que vous verrez dans nos familles, tout le monde ne fera pas ce que tout le monde fait. Mais ce que j'aime, un petit nombre, il y a quand même des gens choisis pour que eux combattent pour la famille, pour que eux combattent pour l'église, pour que eux combattent pour ce monde. Oh, je prie le Seigneur, ce soir, Dieu t'a choisi pour que toi, tu combattes pour ta famille, pour tes enfants, pour tes frères, pour l'église. Il y a des familles. C'est peut-être seulement la femme. Baba n'a coulé. Les enfants, ça les concerne. Ce n'est pas leur problème. Choisis. Et ils savent que non, nous, si nous sommes en vie, c'est la maman. Il y a des familles qui disent c'est le papa. Il y a des familles qui disent c'est peut-être un seul enfant. Pour que tout le monde fasse la même chose. Tout le monde ne fera pas la même chose que toi. Dans les églises, pire encore. On veut que tout le monde fasse la même chose. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça. Il y a un petit nombre. Dieu dit, je me suis conservé un noyau. Moins du centième. Dixième, je comprendrai encore. Si c'était 3200. Dieu n'arrive pas à 3200. Il ne va même pas à 320. Il descend 300. 1 sur 100. Donc sur 100 personnes, je vois Canis. Tirez vous-même les conclusions. Et ce sont les gens qui ont la paix, l'eau, match. Donc qui n'ont pas vécu une vie normale. Frères et sœurs, on ne trompe pas Dieu. Les vrais serviteurs de Dieu n'ont pas une vie normale. J'ai constaté que nos vies ne sont pas normales. Nos vies ne sont pas normales. Quel que soit un serviteur de Dieu, sa vie n'est pas normale. Un leader, sa vie n'est pas normale. C'est pourquoi j'ai pitié de nous-mêmes, les serviteurs de Dieu. Je vous dis la vérité. Parce que la vie n'est pas normale. Normale en tout. Normal en mangeant, c'est pas normal. Normal en dormant, c'est pas normal. Normal en étudiant, c'est pas normal. Normal au travail, c'est pas normal. Il y a des choses. On ne va sûrement pas les dire. Il y a des choses, mais toi tu dis, moi non. Et puis on te regarde. Abraham, lui qui parlait avec Dieu. Joey, mais c'est toi. Nos vies ne sont pas normales. Si ta vie devient normale, pose-toi des questions. Deuxièmement, Dieu dit à Gédéon, si tu as peur, mais il y a quand même des choses. Gédéon fait un miracle avec Dieu. Mais Dieu lui dit que si tu as peur, le miracle que tu vois n'enlève pas l'humanité. Je ne sais pas si c'est la traduction, elle est bonne. C'est ça? Mais il reste humain. Et c'est comme ça que parfois, quand on nous amène certains problèmes, souvent je dis non, donnez-lui la chance de se tromper. On dit non. Dieu lui dit, si tu as peur, voici comment je vais t'aider. Prends ton serviteur pour aller la nuit. Vous comprenez pourquoi Dieu nous parle de flambeaux et de torches? C'est une guerre qui se passe la nuit. Le monde est dans les ténèbres. Pour bien se battre, il faut la lumière de Dieu. Il se met au bord du camp. Il trouve que les gens se réveillent vers minuit. Un se réveille. Il commence à raconter son rêve. Il dit, mon mila lota. Non, j'ai rêvé. Lota gâteau. Je vis le gâteau. Et qu'on a jungluka. C'est en train de se rouler. Il n'y a mon camp et tout. C'est entré dans notre camp. Il n'a pas mon amanium pas yo. Et ça bouleversait toutes nos maisons. Toutes nos maisons. Sans se déchirer dessous. Il est le quoi de nature à Tanatini. Que veut dire ce rêve? Oh bien-aimé, Mupendoa, quand Dieu commence à travailler, il y a certains rêves, certains sens, les ennemis eux-mêmes vont interpréter pour nous fortifier. Oh, j'aime le Seigneur. Il y a des moments dans la marche avec Dieu pour nous fortifier. Oh, j'aime le Seigneur. Il y a des moments dans la marche avec Dieu. Quelqu'un se pose mille et une questions, je n'ai pas su. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que ce n'est pas Dieu? Oh, je prie le Seigneur. Si c'est ton cas ce soir, que Dieu te donne quelque chose qui va te fortifier. Ça arrive. Même Jésus-Christ, a dit ce mané. L'angoisse et un ange est venu le fortifier. Je prie le Seigneur que Dieu nous fortifie. Que Dieu nous fortifie. Quand il entend l'explication du songe, Gédéon rentre et dit, la nuit. Alléluia. Amen. Parfois, nous avons l'impression que la nuit ici, c'est la nuit partout. Même Dieu est dans la nuit. La nuit sur terre, ce n'est pas la nuit au ciel. C'est-à-dire que même la nuit, Dieu travaille. C'est pourquoi il dit, aucun malheur ne s'approchera de ta tente, aucun ennemi ne t'atteindra, même au milieu de ta nuit à toi, Dieu te protégera. Alléluia. Amen. Dieu continue à t'atteindre. Alléluia. Amen. travaillé même des moments sombres de nos vies. Quand c'est sombre chez moi, quelque part sur la terre, il y a quelqu'un qui est dans la lumière. Même dans les moments sombres de ta vie, Dieu continue à travailler. Pourquoi je dis ça? C'est pour te fortifier. Que quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, ne perds pas courage. Dieu te fortifie. Ceux qui ont étudié la géographie, avec le fuseau horaire, là-bas c'est le soleil. C'est-à-dire, eux ils disent, non, c'est nous te bénissons pour le matin. Toi tu dis, Seigneur, nous te bénissons pour la nuit. Donc Dieu travaille. Ça c'est avant la guerre. Ça signifie quoi? Dieu demande à Gédéon de guerre sans. Il n'y a pas de guerre ou il n'y a pas de victoire sans stratégie. C'était 300. Mais Dieu dit, tu divises en 300. Et toi, Gédéon, tu prends le commandement d'un groupe de 100. Il n'y a pas de victoire dans la vie sans stratégie. Vous avez un de nos problèmes de nous pentecôtistes. Nous n'avons pas de stratégie pour conduire nos communautés. Pas de stratégie pour conduire nos cultes. Pas de stratégie pour conduire nos maisons. Pas de stratégie. Nous disons, prions. Prions, prions. Les autres ont des stratégies. Ils ont des stratégies. Ils ont des budgets. Ils ont des programmes. Biennale, triennale, quinquennale. Bien-aimé. Ce que nous disons, c'est parce que Dieu veut nous amener à une autre dimension. Ils ont des stratégies. Ils ont des projets. Ils font le bois. Ils font le champ. Ils font les poissons. Même la Cora prier. Sans stratégie. Non, bien-aimé. À un moment donné, il faut s'asseoir. Jésus dit, si tu veux aller à la guerre, assieds-toi. Regarde ce que tu as. Regarde ce que l'ennemi a. Dans une... comment on dit? David parle d'ambassade. Comment? Donc, fais une délégation. Va négocier. Ça c'est dans Matthieu. Et dans Matthieu, Jésus parle un peu de toutes ces choses. Il faut une stratégie. Ça c'est avant la guerre. Bien aimé, nous voulons prier aujourd'hui. Nous avons une guerre que nous allons livrer aujourd'hui. Nous devons entre nous trouver une stratégie. Dans ta maison, il y a la pauvreté. Quelle est la stratégie? Il y a des maladies. Quelle est la stratégie? Écris la stratégie. Présente ça au Seigneur. Présente ça au Seigneur. Sans stratégie. Ça sera difficile. Tu fais des affaires. Quelle est la stratégie? Tu es ancien, pasteur, choriste. Quand on dirige l'église, vous pensez qu'on vient seulement, on prie? Oh, non, non, nous cherchons que le Saint-Esprit. Quel est le problème de l'église? Je le présente devant Dieu. Qu'est-ce que je veux que l'église puisse avoir? Je le présente devant Dieu. Je te dis, voici le thème de l'année. Voici comment tu vas l'aborder. Ça, ça, c'est des problèmes qu'il y a dans l'église pour résoudre. C'est pareil pour une famille. C'est pareil pour une vie. Ville. Quelle est la stratégie dans ta vie pour te sortir du niveau bas et t'amener au niveau haut? Bien aimé, il ne faut pas vivre pour vivre. Divise en trois. Aujourd'hui, nous avons plusieurs sujets de prière. Je vais diviser l'église en plusieurs morceaux. Ne vous en faites pas. La chorale en deux, cette rangée. J'ai mis plusieurs sujets de prière. Nous allons diviser. Nous allons trouver une stratégie. Quand il a fini, le verset 20. Les trois corps sonnèrent de la trompette. Brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite des trompettes pour sonner. Que tes mains ne restent pas vides. Pour donner la victoire à cette église. Pour donner la victoire à ta famille. Le flambeau était dans la cruche. On cachait les flambeaux comme ça. Dans la cruche. La cruche était vide. Parce que le flambeau était à l'intérieur. Nous avons dit que cette cruche, c'est la vie des hommes. Au moment du combat, il fallait laisser tomber, briser la cruche. Un homme qui n'est pas brisé. Un homme qui n'est pas brisé, on en a parlé hier, ne saura pas se positionner pour certains combats. Remarque bien. Les mêmes maombi. Bon nombre de prières que nous sommes en train de faire, ce sont des mêmes prières. Pourquoi? Parce qu'il faut être brisé. Pour comprendre certaines dimensions. Hier j'ai dit, il y a une différence entre la repentance et le jugement. Muntu leko brisé. La personne qui est brisée. Ashita sema. Ne parlera pas. Muna ishi na itu munyumba. C'est en train de vivre avec lui dans la maison. Vous dites que non. Asema apana. Yeloaki. Lui. Le mot Christ. C'est un chrétien. Pour travailler, dire non, nous sommes Christ. Je vais dire non, c'est un chrétien. Tu vas rien dire, c'est non. C'est ma apana. Nous sommes Christ. C'est un chrétien. Et quand tu es quelque part, tu es comme un jugement. Le brisement, c'est le caractère. Le caractère. Ah, donc nos caractères sont très importants pour le salut des âmes. Vous allez voir quelqu'un qui prie beaucoup, il est un grand intercesseur. Il n'est pas brisé. Aki se komba. Il va terminer la prière. Ata chambulan. Il va encore insulter. Ata critiquer. Il va encore critiquer. Ata chukiana muro. Il va haïr. Mais ata omba, mungu ata shikia. Et à la fin, il va encore prier. Dieu va lui écouter. Mungu ata shikia. Dieu va écouter. Mais n'est pas brisé. Lakini ni mutu mwenye asijivunja. Mais bien aimé mes amis. Pendwa marafiki zangu. C'est des choses on doit les dire comme ça. Tuna pasha kubisema hivi. Quelqu'un qui est brisé. Mutu mwenye asijivunja. Ashakufa. Il est mort. Muta mukanyanga. Vous allez le pied. Sanako. Comme s'il n'existait pas. C'est comme ça qu'on dit que si on te gifle à gauche. Vila na seba kukupika kulichafu ya shoto. tu donnes même à droite. Tu donnes même à droite. Le brisement. Du Vondia. Oh, que Dieu nous aide. Donc, il brise les cruches. Et il crie. C'est là que nous arrivons à notre message de ce soir. Et paix à l'Éternel. Et à Gédéon. Épée à l'Éternel. Et à Gédéon. Trois choses. La première. Pendant la guerre. Les actions doivent être bien coordonnées. Pendant la guerre, votre maison, si vous avez des problèmes, faut pas combattre en désordre. Même ne priez pas en désordre. Ce n'est pas l'abondance de la prière qui compte. Coordonnez vos actions. Et surtout, l'unité de commandement. Gédéon a dit, vous ne faites rien. Vous attendrez le signal. Frères et sœurs, Église, il y a un ange. Parfois, il y a des choses. Quand tu es tombé, le pasteur de l'église, tu dis, je dois quand même le dire. C'est pour la bénédiction des gens. L'unité des commandements. Nos actions doivent être bien coordonnées. Il faut bien écouter les instructions de celui qui a la vision. Deuxièmement, les priorités. Les priorités. Les priorités. Dans le combat, arrange-toi pour que ce soit le combat de Dieu. David dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Du Dieu d'Israël que tu as insulté. Dans l'église. Arrange-toi. Pour qu'il invite. Pour que ce combat. Il invite à mon. Soit moi un combat de Dieu. On a esquivé. Je sais pas moi qui suis en train de servir. Je suis en train de te servir. Alors c'est un don venant de toi. Et tu vas voir comment Dieu va faire. L'épée à l'Éternel et à Gédéon. Pas à Gédéon et à l'Éternel. L'ordre de priorité doit être respecté. Et le verset 21, parce qu'on doit prier. Ils disent ceci. Mettez-moi le verset 21, ici ça ne marche pas. Mettez sur le tableau le verset 21. ils restèrent chacun à sa place. Tu as une place dans l'armée de l'Éternel. Quelle est ta place dans l'église? Quelle est ta place dans ta famille? Chacun a sa place. Quand vous voyez des gens se battre pour les places, c'est un problème. Chacun a sa place. Deuxièmement, autour du camp, se positionner. Au lieu du miracle. Tu es dans l'armée, oui. Mais tu dois occuper ta position. La position du miracle. Autour du camp. Beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Un jour, Jésus veut manger. Jésus entre dans une maison. Marthe, Marie, celui-ci, il était resté au pied. Position stratégique. Oh bien-aimé, apprends à te positionner pour le miracle. Le miracle demande une position dans le temps et dans l'espace. C'est comme ça que vous bingi de machine parce que l'offre. Il y a d'autres personnes ce jour ici s'absent. Bien aimé, il y a d'autres choses. Dans la vie, être bien positionné. Il y en a qu'on a épousé parce qu'elles étaient bien positionnées. Ce jour-là, position il a roubé baka pakiri. Position donc il a pris. Position il a baka mukoral. Position donc il a pris dans la chorale. Quelqu'un qui est là anamona. Oh le frère lui a envoyé. En ce moment moi je pousse là. Mi emita owa ule. Bon il faut que je dise hein. Passionné c'est. N'est-ce pas mes enfants? Ça se passe comme ça. Il qu'on a petit cana. On ne pousse pas monte au kumukongo anyumba. Bah ouais que monte on a dit coute derrière la maison. Non. La personne que tu ne vas pas à pana. Il faut se positionner. Se positionner. Même pour choisir, il n'y a pas un examen en classe suivant les positions. Les places, si vous voulez. Premier, deuxième, troisième, travailler. Pourquoi quatrième? Il faut prier pour ça. Mais parfois, les positions de Dieu sont différentes de nos positions. Regardez dans Jean chapitre 5. Celui qui était boiteux 38 ans à la piscine. Jésus est venu de derrière. Mais il est, heureusement qu'il était aussi positionné derrière. Un jour, je dis à quelqu'un qui se plaignait. Non, mon père est mort. Maintenant, je dis mon frère, sois heureux. Parce que maintenant là, tu occupes la bonne position. Alléluia. Amen. Maintenant là, tu occupes la bonne position. Dieu devient ton père. Mungu sasa anakuwa baba yake. Il est le père yeye baba des orphelins. Ya wayatima. Me regarde d'abord. Il dit non, papa, j'ai mal. Il dit oui. Malgré ton mal. Maintenant là, tu es dans une bonne position. Il y a des choses que tu auras sans que tu les demandes. Il y a des protections que tu auras sans que tu ne pries. Pourquoi? À cause de ta position. Alléluia. Amen. Chaque position induit un miracle. Donc si tu restes en bas, tu auras le miracle d'en bas. Si tu restes en haut, tu auras le miracle d'en bas. Chaque position. Kila ali. Président de la République, c'est une position. Il y a des avantages liés à la position. Être enfant de Dieu, c'est une position. Être tel ou tel, c'est une position. Se positionner pour le miracle. J'ai dit qu'il ne faut pas laisser les mains vides. Troisièmement, il faut maintenir le flambeau allumé de la trompette. Donc quand on divise les troupes, à ce moment-là, on lance le combat. L'épée à l'Éternel et l'épée à Gédéon. Ok, je veux ce soir compris. Je vois 5 groupes. 1, 2, 3, 4, 5. Mais moi j'ai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y a un groupe que je dois diviser en deux. Je regarde le groupe le plus grand. Je suis en train de regarder le groupe le plus nombreux. Je divise en deux. Écoutez, c'était 32 000 et puis on a pris le centième. Donc ne vous en faites pas. J'aimerais qu'on prie. Seulement les instrumentistes qui vont jouer maintenant, les instrumentistes élogent. David, vous prenez les instruments. Dieu. Tout le monde, nous allons prier. Nous allons prier. Le groupe ici. Je prends mon carnet. Le groupe ici. Vous allez prier. Contre les esprits de découragement et d'abandon dans l'église. Vous pouvez déjà vous mettre debout. Le groupe ici, mettez-vous déjà debout. Vous n'êtes pas nombreux, mais vous êtes assez pour faire le miracle. Si vous voulez, vous pouvez vous rassembler. Rassemblez-vous dans les couloirs ici. Au milieu, c'est la prière. Le groupe ici. Donc ça c'est le groupe A. Le groupe B. Mettez-vous aussi debout. Gardez le flambeau allumé, sonnez de la trompette. Vous êtes positionné à l'église. La sorcellerie aux portes de l'église. Toutes les portes. En tout cas, vous devrez prier et renverser la chose. Mettez-vous aussi au milieu. Rassemblez-vous. Aujourd'hui, c'est vraiment la prière. C'est ça. Il y a des groupes que je dois diviser en deux. Kuna kuwa kikosi kenye takawanya vipande mbili. Le groupe ici. Basi iki kikosi kia tatu. Première partie. Donc jusqu'au niveau de Maman Valérie. Paka non, non. Fazi ya Maman Valérie. Maman Kabibi. Maman Kadibi. Maman Mwadi, Maman Didier. Maman Didier. Jusqu'à ce niveau-là. Paka il est fazi. Et puis Maman Godé et les autres. Maman Godé na wengine wale wa nyuma. Maman Godé et les autres qui sont derrière. Wenye wanakuwa nyuma kule. Vous constituez aussi un autre groupe. Nani munatunga kikosi ingine. Donc le groupe ici. Iki kikosi. Ah, vous pouvez venir ici au couloir. Mettez-vous déjà debout. Naweza kusimama mwima. Ici, j'ai un problème. Pendant que je priais. Wakati nilikuwa naomba. Sous féconde. Chemtiemu lauza. Vous devez prier. Munapasa kuomba. Que le prince. Kwa ajili ya wale wa uongozi. De Likasi. Wa Likasi. Qui ne vient pas déranger l'église. Voici Zouise Kanisa. Chaque ville a ses principautés, n'est-ce pas? Nous venons, nous sommes en combat. Quand Daniel priait, l'ange lui a dit, je voulais t'apporter, mais le prince de Perse, ce n'était pas le prince physique, c'était le prince spirituel. Il a empêché. Coucou, ma vie, elle est une pâte à Moukanissa. Il y a des combats qui viennent dans l'église. Nous jouons comme Likasi. C'est parce que nous nous retrouvons à Likasi. Je suis convaincu. Nous connaissons Wakikish. Il sous féconde Moukinchas. Tiens, nous l'avons dans Yakishas. Ça ne devrait pas être comme ça. Vous avez compris ce que j'ai dit. Ma vie, ta ingine na yabusengi. Il y a d'autres combats qui ne sont même pas ici. Nous jouons comme Likasi. Ça arrive ici à Likasi. Alors, Léo. Mais aujourd'hui. Léo. Aujourd'hui. Inkunji. Avec ce groupe. Non, non, le prince non, de Likasi, du monde des ténèbres. Ok, vous avez compris. Donc, rassemblez-vous déjà. Ça, c'est le groupe 3. Le groupe 4. Vous allez prier pour les finances de l'église. Nous avons les deux financières ici dans le groupe. Priez pour les finances. Pachipo finance. Ça des finances. À tout à fait, nous ne ferons rien. Maintenant, ma finance à Kanisa. Donc, le finance de l'église. Il est impliqué dans ma cage. Il y a tout à Kanisa. Sans que d'impliquer ma barikiwe. Qu'il soit béni. Dans ma finance, il t'a barikiwe. Et les finances si sont tous ensemble. Si beauté. Tous ensemble. Nous prions pour ça. Alors, le groupe ici. Avec ce groupe. Vous allez prier. Muta omba. Toutes les flèches. Yote. Qui sont dirigées contre le pasteur et sa vie et sa maison. Toutes les flèches. Rassemblez-vous déjà. Rassemblez-vous. Voilà, j'ai déjà divisé en trois groupes. Nous divisons en six groupes, il n'y a pas de problème. Alors, la chorale. Le groupe de la chorale. Vous allez prier contre les maladies. Nous refusons dans l'église. Ma malaria chipotina. Des maladies sans nom. Na bantu banze kufa jo ma malaria moye. Ça commence à être. Il est banashinda kubatunza. C'est on est sous de guéri. OK, ça fait six groupes. Il n'a quoi vikosi sita. Gédéon a divisé le groupe en trois. Gédéon a ligawanya vipande tatu. Nous divisons l'église en six groupes. Christ tunagawanya kanisa vipande sita. Il m'a sujet Mouteyombea jusqu'au dimanche. Avec ce sujet, nous allons prier jusqu'au dimanche. Quel amour dans la jambe de mon groupe Ego. Et là, tout un chacun connaît dans le groupe où il se retrouve. Alors, la chorale, les Kwaya. Instrumentistes. Wapik. Vous allez jouer ça. Alors, nous voulons prier. N'oubliez pas, si ça ou... à l'éternel Kwa Milele. Et à Gédéon. Nous voulons prier que ce combat soit le combat de l'éternel. Que ce soit le combat de l'éternel. Maman, je suis malade, je suis malade. Maman, ma finance, je suis malade. Maman, ma sorcellerie, je suis malade. Alors, chacun prie là où il est. Garde ta place. Élève ta voix. Commence à prier. Nous sommes en prière toute l'église. Prie, prie. Tape les mains, commence à prier. Tape les mains, commence à prier. Tape les mains, commence à prier. Tape les mains. La chorale, rassemblez-vous. Rassemblez-vous ici. Au nom de Jésus. Oui, tapez les mains, priez. Au nom de Jésus. Priez. Les maladies dans les mains. Vous êtes Léo, tu vous en écrasez. Léo, miracle. Parle, parle, parle. Commence à parler. Leon m'a toqué. la victoire par Canisa. Mets la victoire par Canisa. Avant de terminer, ça nous prions tous maintenant. Va ennemi botte mon maïs ayako. Tous nos ennemis dans nous. Bawane bo benyewe. Mujina la Yesu. Élève, tu vas commencer à prier. Bawane bo benyewe. Baishane bo benyewe. Mujina la Yesu. Bo benyewe. Bawane. Baishane. Mujina la Yesu. Mujina la Yesu. Est-ce que tu peux sonner dans la trompette et acclamer très fort pour le Seigneur? Acclame très fort. Oh, acclame. Acclame encore. Acclame. Jesus. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Il est présent ce soir. Il est présent ce soir. Il est présent. C'est des moments de guérison. C'est des moments de délivrance. C'est des moments de grâce. C'est des moments remplis de ministères. Il est présent. Des moments comme ça, tu es rempli de la plénitude. Des moments comme ça, tu peux prophétiser. Des moments comme ça, tu reçois la guérison. Des moments comme ça, tes ennemis tombent. Des moments comme ça, si tu parles en langue, parle en langue. Si tu prophétises, prophétise. Quand l'esprit est là, que rien ne te retienne, libère la grâce. La grâce pour l'église, pour ta famille. Oui, parle en langue. Parle en langue. Parle en langue. Parle en langue. Alléluia, Mosh. Merci, Saint-Esprit. Il y en a qui seront baptisés ce soir. Il y en a qui vont parler de nouvelles langues. Il y en a qui vont prophétiser. Il y en a qui vont recevoir des songes et des visions pendant ce temps. Parce que l'Esprit est là. Laisse le Saint-Esprit travailler. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Oh. Soyons attentifs, il y en a qui ont reçu des messages de Dieu. Saint-Esprit, merci. En ordre. Reste calme. Oh, j'aime la présence de Dieu. aujourd'hui. Nos ennemis, sois tranquille. Tu es positionné pour le miracle. Seigneur, nous disons merci. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur?